après-midi tout le monde, bienvenue au 89.1 FM. Vous écoutez présentement En Piste avec Tania Beaudin. On était là la semaine dernière, on était là la semaine d'avant. En fait, on est là presque, non, toujours, tous les mercredis 14h. Et comme je le disais, vous êtes en onde sur le 89.1 FM. On va faire une courte pause après vous avoir montré un petit peu le plan de l'émission d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, eh bien, on va faire le retour, comme à chaque semaine, le retour de ce qui s'est passé durant le week-end, c'est-à-dire les différents événements de course automobile. Et mon Dieu, cette fin de semaine, c'était vraiment un week-end chargé un petit peu partout au Québec et au Canada aussi. Même aux États-Unis, on le sait, c'était le Indy 500. Donc, on va discuter de ça. On va aussi discuter de quelque chose qui s'est passé à Lime Rock. Ça s'est passé cette fin de semaine. Par contre, ça sera pas nécessairement dans le recap de la fin de semaine, comme j'aime bien l'appeler. On va plus en faire une discussion. Et si jamais ça vous tente de discuter de tout ça sur les réseaux sociaux, bien, allez vous brancher sur la page Facebook d'En Piste avec Tania Beaudin, parce que ça pourrait beaucoup aider. Alors, si jamais ça vous tente, bien, faites-le. Si vous avez le temps aussi. C'est toujours très plaisant. Envoyez-moi vos messages, il n'y a aucun problème. On va aussi avoir une entrevue avec Rémi Lantaigne, un ingénieur de la course automobile assez bien connu. Et tout ça dans En Piste avec Tania Beaudin, tout de suite après la pause. Vous êtes assez pour l'écouter. 89.1. Comme je vous le disais avant la pause, c'est En Piste avec Tania Beaudin sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. On est ici tous les mercredis à partir de 14h. Donc, si vous n'étiez pas là avant la pause, c'était simplement un petit in sur ce qu'elle allait se passer durant l'émission. Donc, comme je le disais, comme à chaque fin de semaine, on va faire un petit peu le retour sur ce qui s'est passé durant la fin de semaine à travers les différentes séries de courses automobiles, à travers les différentes pistes aussi au Québec, au Canada, encore même aux États-Unis. Parce que, mon Dieu, comme je le disais, il y a beaucoup de choses qui se sont passées cette fin de semaine. Ça bougeait un peu partout. Hein? Il y avait Monaco, il y avait le Indy 500, il y avait le Coca-Cola 600. Il y en avait vraiment pour tous les goûts. Et ici aussi, au Québec, il y en avait vraiment beaucoup. D'ailleurs, du côté de Mirabel, il y avait du karting. Du côté de Mont-Tremblant, il y avait plusieurs séries qui étaient là. Donc, vraiment, pour les amateurs de course automobile, si on a essayé de suivre ça sur les médias sociaux, sur les réseaux sociaux, mais ça bougeait beaucoup toute la fin de semaine. Je pense que moi-même, j'ai eu de la difficulté à pouvoir suivre tout ce qui se passait dans différentes séries, dans toutes les séries que je voulais suivre, mais on y est arrivé. On a réussi à mettre le doigt sur chaque article qu'on voulait, chaque résultat qu'on voulait. Donc, de ce côté-là, on va faire un retour en premier lieu sur l'événement de Mont-Tremblant. C'était la classique du printemps. C'est quelque chose qui se fait à chaque année dans le mois de fin mai, début juin en temps normal. Et c'est un événement qui, moi, je me souviens, lorsque j'allais aux courses à Mont-Tremblant, c'était un événement que j'attendais vraiment beaucoup. Malheureusement, cette fin de semaine, j'ai pas pu me déplacer du côté de Mont-Tremblant, mais je suis persuadée qu'ils ont eu un beau week-end. Il y avait différentes séries, entre autres la Coupe Nissan Micra qui était là pour leur, si je ne m'abuse, c'est deuxième événement de la saison. Et encore une fois, bien, ça l'a fait jaser. Kevin King a fait jaser parce qu'on l'a reçu la semaine dernière dans l'émission en entrevue. Il nous disait qu'après l'accident de Kalabugi, ça allait peut-être être un petit peu plus difficile cette fin de semaine. Par contre, il voulait vraiment mettre toutes les chances de son côté. Alors, on y est allé avec une nouvelle voiture. Et mon Dieu, je pense que ça l'a beaucoup servi parce que Kevin King a remporté l'épreuve de dimanche. L'épreuve de samedi a été remportée par Xavier Coupal, un pilote qui a beaucoup de vécu. Il avait, entre autres, participé à plusieurs séries au Grand Prix Trois-Rivières durant des années. On l'a vu dans plusieurs voitures différentes. Et là, on le retrouve dans la Coupe Nissan Micra. Et c'est très, très intéressant de voir beaucoup de pilotes comme ça. On le disait la semaine dernière, que ce soit en entrevue avec Kevin ou que ce soit tout simplement comme ça dans les airs. La Coupe Nissan Micra, on doit leur avouer, on doit leur donner, c'est beaucoup de travail, ils travaillent très fort et ils ont un nombre de pilotes assez remarquable à chaque événement. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner encore une fois cette année ici sur le terrain du Grand Prix de Trois-Rivières parce que c'est toujours très, très impressionnant. On se souvient, on la compare un petit peu souvent, disons-le comme ça, à la fameuse Coupe de Toyota Eco qu'il y avait dans le temps. Là. Mon Dieu, ça fait quelques années déjà, mais ce sont vraiment des bolides qui se ressemblent, qui se conduisent un petit peu dans le même sens. La technique, elle est semblable pour ce genre de conduite-là. Donc, j'ai vraiment très, très hâte parce que lorsque ça arrive au coin numéro 1 ici au Grand Prix Trois-Rivières, on le sait, c'est quand même assez serré, ça joue dur, c'est des pilotes qui veulent être en avant. J'ai vraiment hâte de voir ça et ils ont d'ailleurs d'autres courses avant le Grand Prix Trois-Rivières. Donc, la Coupe Nissan Micra, c'est une série qu'on suit de très près, disons-le, à En Piste avec Tania Baudin. C'est toujours très plaisant de voir où sont rendus nos pilotes québécois. Parce que, bien évidemment, oui, il y a des Canadiens, il y a des Ontariens, il y a quelques Américains et aussi des gens qui viennent d'un petit peu ailleurs qui participent à l'événement, mais c'est surtout pour nos pilotes québécois, ceux que l'on connaît très bien, qu'on suit la série. Et le champion en titre, Olivier Bédard, a quand même terminé sur le podium cette fin de semaine. Si je ne m'abuse, c'est en deuxième position. Donc, on le suit, lui aussi, de très près. Il est pas loin. Je sens la victoire pour Olivier arriver très, très bientôt. On se souvient Calabougui, oui, malheureusement, c'était difficilement passé aussi à la suite de l'accrochage, le fameux gros accident qui avait fait le tour de pas mal de médias sociaux, disons-le comme ça. Je pense que le vidéo a été vu plus de, si je ne m'abuse, c'est plus de 86 000 fois. La dernière fois que j'ai vu passer la vidéo, là, c'était à plus de ça. Et on se souvient, ça l'a passé aussi à Fox Sports. Donc, de ce côté-là, la Coupe Nissan Micra fait parler et on va continuer à la suivre. On disait aussi qu'il y avait du karting du côté du circuit Icar de Mirabel. C'était la Coupe de Montréal, donc pas un très, très gros championnat. Par contre, il y avait quand même quelques pilotes qui étaient là. On le sait, au Québec, on essaie de reformuler aussi et de restructurer un petit peu les courses de karting. Comment est-ce qu'on voit ça? Comment est-ce qu'on veut que nos pilotes et nos athlètes agissent dans ces fameux événements-là? Donc, pour la Coupe de Montréal, ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu beaucoup d'accrochages ou quoi que ce soit. Mais je vais vous inviter, si jamais ça vous intéresse et si jamais vous lisez l'anglais, à faire un petit tour sur le site canadiancartingnews.com qui est vraiment une référence en termes de karting au Canada. Et ils ont fait un article bien spécial sur la Coupe de Montréal. Cody Schindel, qui est un des administrateurs du site Internet, était là la semaine dernière. Et on a discuté ensemble. On disait qu'il y a beaucoup, beaucoup de championnats qui se disputent présentement du côté du monde du karting ici au Québec. On a plus de championnats différents en Ontario, et c'est ce qui me faisait dire oui, c'est vrai, tout à fait, mais on a des championnats qui sont différents. C'est-à-dire que, comme je le disais un petit peu en début de saison, on a l'APKLQ qui est vraiment pour le loisir. Donc, si on veut débuter, si on veut tout simplement avoir du plaisir et peut-être même s'améliorer à temps perdu, sans vraiment donner une très, très grosse importance à la compétition du sport, eh bien, on a la APKLQ. La Coupe de Montréal, c'est vraiment ceux qui sont là depuis très, très longtemps, c'est ceux qu'on voit, qu'on revoit, qui veulent peut-être aussi faire un petit peu de temps de pratique en attente de certains autres gros championnats durant la saison. Donc, de ce côté-là, c'est vraiment la Coupe de Montréal, je dirais, c'est la coupe qui va réunir les gars qui, oui, veulent de la compétition, ceux qui veulent pas trop de compétition, mais qui en veulent quand même, et ceux qui sont là depuis des années et qui se pratiquent fin de semaine après fin de semaine. Donc, la Coupe de Montréal, on essaie de se restructurer, de se faire une bonne fondation, justement, pour repartir le karting au Québec en force. On le sait, puis je pense que ça va toujours être comme ça. En course automobile, je pense dans n'importe quelle série, ça arrive parfois, on a des pics, par la suite, ça descend. Ce sont comme des montagnes russes. C'est un sport assez difficile, on va se l'avouer, là. C'est pas nouveau, hein. Ça fait déjà des années qu'on le dit, mais je pense que cette année en karting au Québec, on fait un très, très gros effort sur justement départir qui veulent mettre des très gros budgets pour performer et qui ne veulent pas mettre des gros budgets, mais tout simplement avoir du plaisir pour le plaisir du sport. Et c'est vraiment ce qu'on fait. Et c'est un peu ce que l'article dit, qu'on essaie en fait de justement faire de bonnes fondations solides et que ça se passe très bien jusqu'à présent. Donc, si vous étiez du côté de Mirabel, vous saviez qu'il n'y avait pas énormément de pilotes. Par contre, on a eu le droit à quand même de très bonnes courses dans différentes catégories. Entre autres, je pense à la catégorie Shifter où Jean-François Lafontaine a remporté l'épreuve juste devant Dave Gore. Dave Gore, qui est un pilote qui fait le Florida Winter Tour, il se promène beaucoup, là. On savait, en fin de semaine, il y a un autre événement de karting à Icare. Donc, on a vu certains de ces pilotes-là, justement, qui sont habitués de courser, qui sont habitués d'être en piste, d'arriver, de mettre du temps tout simplement sur leur bolide, de se pratiquer, disons-le comme ça. C'était vraiment, pour certains, une fin de semaine de pratique avant un autre très gros championnat. Donc, Jean-François Lafontaine, dans la catégorie Shifter, a remporté l'épreuve devant Dave Gore et Sam Guérin. Ce sont des pilotes qui s'y connaissent très bien et ils nous ont quand même donné tout un spectacle. C'était vraiment très plaisant à voir. Il y a aussi la catégorie Rotax Junior où Patrick Woodstock a terminé devant Matthew Latifi et devant Ryan McDermid. Il y a eu quelques complications au niveau de la balance et de l'inspection technique en fin de journée, mais bon, tout ça pour dire que Rotax Junior, c'est vraiment, je dirais, c'est vraiment les casse-cou les plus, comment on pourrait dire ça? Ce sont les pilotes, souvent en karting, qui vont être entre l'âge de se dire « j'y vais à fond, je regarde devant moi et j'y vais le tout pour le tout » et ceux qui y vont quand même assez stratégiquement. On commence à y aller un petit peu plus côté technique, on essaie d'apprivoiser notre technique de pilotage. Donc, dans ce côté-là, Rotax Junior, c'est vraiment une catégorie qui est très, très plaisante à regarder parce que c'est souvent là qu'on veut voir la plus grande évolution, le début de l'évolution des pilotes et, encore une fois, Patrick Woodstock, Matthew Latifi et Ryan McDermid nous ont très bien montré ce que c'était que d'avoir le ventre au cœur, c'est ce qu'on dit, hein? Le cœur au ventre. Le cœur au ventre, ouais, je pense que c'est ça. C'est plus ça. C'est le cœur au ventre quand il est question de participer à un événement de course automobile. On le disait, il y avait de très gros événements. Il y avait la Formule 1 du côté de Monaco. Ça s'est quand même très bien passé de ce côté-là. Il y avait le Coca-Cola 600. Martin Truex qui a gagné. Ça a fait le tour des médias sociaux. Sa femme était très, très, très, très, très émue. Elle a pleuré, mais bon, que voulez-vous, parfois ça arrive. Hein? Et du côté du Indy 500, eh bien là, coup de théâtre. Je pense qu'il y a plusieurs gens qui n'ont pas encore fini d'avaler la nouvelle. C'est une recrue qui a gagné le 100e Indy 500 du côté de la IndyCar. C'est surprenant. Il y en a plusieurs qui sont bouche bée. Il y en a qui cherchent des réponses à savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se fait que Alexander Rossi, la recrue en question, a réussi à sauver ce qui lui restait de gaz quand la plupart des autres pilotes très, très, très expérimentés en la matière ont dû vraiment rentrer dans les puits. Comment est-ce que ça s'est fait? Quel était le côté stratégique? Comment est-ce que ça s'est passé? J'ai vraiment hâte de voir si on va pouvoir atteindre la réponse très bientôt. J'ai hâte de voir ce que Alexander Rossi va dire dans cette tournée de victoire parce que présentement, il est du côté de New York. Il fait quelques entrevues télévisées, quelques entrevues à la radio. Mais on va sûrement entendre la fameuse réponse à la si attendue, en fait, réponse à la fameuse question « Comment est-ce qu'il a fait? » Parce que il en manquait pas de beaucoup pour Carlos Munoz de terminer en tête devant Alexander Rossi, mais il a su faire quelque chose que les autres n'ont pas fait et apparemment que ça serait de sauver l'essence. Mais comment est-ce qu'il y est arrivé exactement pour sauver l'essence et arriver au drapeau à damier comme ça? On ne sait pas encore. C'est les réponses que l'on cherche et comme je le disais, j'espère qu'on va les avoir bientôt parce que ça fait tellement jasé. Je pense que la plupart des amateurs de course automobile sont quand même très, très contents de ce qui s'est passé parce que c'est Alexander Rossi, c'est un pilote qu'on a vu en Formule BMW, c'est un pilote qu'on a vu en Skip Barber. Il a déjà coursé ici au Grand Prix de Trois-Rivières il y a de nombreuses années dans ses jeunes temps, disons ça comme ça, dans son jeune temps, en Skip Barber. C'est un pilote qu'on a vu faire le saut en Formule 1, c'est un pilote de réserve. Et que là, il arrive à sa première année première année en Indy, premier Indy 500. Il a toujours voulu gagner cette fameuse grande course-là. Je pense que chaque pilote de course, s'ils avaient l'option de dire « Est-ce que tu voudrais gagner le Indy 500? » Bien évidemment, ils diraient oui. Et là, ça se fait à sa première année, premier événement comme ça. C'est gros. J'ai hâte de voir où est-ce que ça va amener Alexander Rossi, parce que c'est sûr et certain que cette victoire-là, ce travail-là de l'équipe va le propulser ailleurs, va le propulser peut-être dans... Peut-être pas dans une autre série, parce que bien évidemment, on entame la série IndyCar, mais est-ce qu'on va le revoir sur un podium durant la saison? J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, parce que bien souvent, ça peut juste être une... c'est comme un one-hit wonder, hein? Des fois, on va avoir une victoire qui va faire beaucoup jaser sur un événement qui est très, très, très, très gros, mais malheureusement, par la suite, on va pas nécessairement arriver à pouvoir performer comme on le voudrait encore dans d'autres événements. Donc, j'ai très, très hâte de voir comment est-ce qu'Alexander Rossi va se débrouiller pour le restant de la saison. Est-ce que, justement, ça va être un one-hit wonder qui va tout simplement... Rester comme ça, la fameuse recrue qui aura gagné le Indy 500 en 2016, ou bien est-ce qu'on va le voir sur un podium encore cette saison? On le sait, durant les premières épreuves de la série, c'était quand même assez difficile. On arrivait à faire des top 10, on arrivait à faire on arrivait en 15e position. C'était pas toujours facile. Mais là, un événement comme celui du Indy 500, il a très bien qualifié. Si je ne m'abuse, c'était en 10e position, parti de la 10e position, et a remporté, disons-le, la plus grosse épreuve en IndyCar. Où est-ce que ça va mener Alexander Rossi, tout ça? Si jamais vous avez vos propres idées, vos propres opinions sur la question, bien, tout simplement, allez faire un tour sur la page Facebook d'En Piste avec Tania Baudin. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez, là? Où est-ce que vous pensez qu'Alexander Rossi va être d'ici la moitié de la saison, ou du moins jusqu'à la fin de la saison? Est-ce que vous croyez qu'Alexander Rossi est un one-hit wonder, ou encore est-ce que c'est un pilote avec beaucoup de talent? Évidemment, c'en est un. C'est un pilote très, très, très talentueux. Mais je veux savoir vos opinions. Est-ce que vous croyez qu'Alexander Rossi va réussir à pouvoir se démarquer tout le restant de la saison? C'est quelque chose qui va nous intéresser. Et avant de continuer l'émission, eh bien, on va faire une première pause musicale. Je vous l'avais dit la semaine dernière, et peut-être même, je pense que je vous l'avais dit durant la première émission de la saison, on a décidé cette année d'y aller vraiment un petit peu plus country. C'est un style musical que j'aime beaucoup, mais c'est un style où que bien souvent, on connaît pas tous les artistes. Et là, j'ai décidé aujourd'hui de faire un spécial country canadien. Ah oui, faites attention, country canadien. Alors, on va commencer cet extrait musical avec Brett Kissel et la pièce « Airwaves ». It's Friday night, moon's like just hanging there. Ain't too much going on anywhere. I picked her up, turned the radio up, and kicked us down the driveway. We didn't make it more than a getaway mile. She put a pretty painted finger on the dial and got every speaker in the backseat buzzing. You could just tell that she loved it. There must be something in the airways, 'cause every song the DJ plays, she leans a little bit closer in. Let's go. What she's holding, and she's dancing around like a lit flame, hand out the window like an airplane. Maybe it's the way she's singing, the swaying, it's got me thinking. There must be something in the kick drum drumming, must be something in the guitar strumming. She ain't never looked at me that way. Must be something in the airway. Must be something in the airwaves. She's got a little let loose in her eyes. She's turned up and turned on, hypnotized. I gotta get every bit of whatever it is she's feeling, 'cause this feeling, like I don't wanna hear that signal fade, and I don't wanna try to find another station. We got a little spot between the static, working some kind of magic. There must be something in the airwaves, 'cause every song the DJ plays, she leans a little bit closer in. Let's go watch Waves de Brett Kissel, une pièce, comme je le disais, de country que j'aime beaucoup. C'est un chanteur canadien et c'est un style musical que j'adore. Je trouve tellement que ça, excusez-moi l'expression, mais ça fit avec le monde NASCAR dans lequel je vis. Alors je me suis dit pourquoi pas faire partager ça. Et c'est comme pas mal à, je veux pas dire à la mode. Je veux vraiment pas dire à la mode parce qu'on dirait que tout ce qui est à la mode est pas vraiment totalement aimé. Mais je dirais que les gens commencent à apprécier de plus en plus le style musical du country. Alors, je suis très contente de vous en faire découvrir quelques-unes à chaque semaine dans l'émission En piste avec Tania Baudin. Vous êtes toujours à l'antenne du 89.1 FM. Et tout à l'heure, en début d'émission, je vous parlais d'un événement qui s'est passé, qui s'est produit à Lime Rock. C'était cette fin de semaine. J'en ai pas parlé dans les retours du week-end parce que je voulais vraiment faire un, pas un spécial, mais je voulais vraiment spécifier quelque chose et en faire un bloc à lui. Je crois que ça mérite quand même du temps d'antenne. Alors, c'est l'accident qui s'est malheureusement déroulé du côté de Lime Rock dans la série Pirelli World Challenge. On parle ici des deux pilotes, Andrew Palmer et Jorge de la Torre. Ce sont deux pilotes quand même jeunes. Ce sont deux pilotes qui prenaient aussi volant au circuit Canadian Tire Motorsport Park il y a quelques temps. Ils ont coursé dans la série World Challenge du côté du Canada, comme je le disais, il y a, je pense, c'est deux semaines à peine. Les deux pilotes avaient très bien fait durant tout le week-end. Et on s'en va du côté de Lime Rock. Sortie de piste pour Jorge de la Torre. Malheureusement, on sait absolument pas ce qui s'est passé du côté des deux pilotes encore. Il y a plusieurs informations qui sont restées vraiment, je dirais, qui restent au circuit parce que présentement, bon, pour mettre les choses au clair, Andrew Palmer et Jorge de la Torre ont tout simplement été catapultés dans les airs avec leur voiture et sont atterris beaucoup plus loin que le circuit en question. Donc, ils ont atterri beaucoup plus loin que les puits, des pneus, beaucoup plus loin que où est-ce que les voitures atterrissent en temps normal s'il y a un accrochage ou quoi que ce soit. Sur les photos de l'incident, on voit qu'il n'y avait pas de pluie, donc de ce côté-là, il n'y avait pas vraiment, la chaussée n'était pas glissante ou quoi que ce soit. Et vraiment, dans les articles de sportscar365.com, qui est un site américain dédié au monde de la course automobile, on dit que vraiment, on ne sait pas encore ce qui s'est passé. Il y a des yeux qui disent que vraiment, les voitures ont été catapultées. Il y a eu un très, très gros impact. Les voitures ont réatterri et les deux pilotes en question ont été amenés à l'hôpital, pas loin de là, l'hôpital qui est relié au circuit. Et par la suite, on a vraiment voulu les transporter en hélicoptère dans un centre spécialisé. Les dernières nouvelles que l'on a eues des deux pilotes, c'est qu'en fait, Andrew Palmer avait des bobos, là, c'est vraiment pas le bon terme, mais des blessures au niveau crânien. Donc, de ce côté-là, on a vraiment, on fait présentement tout ce qui est en leur pouvoir. Donc, les médecins font tout ce qui est en leur pouvoir pour pouvoir aider les deux pilotes. Mais c'est vraiment les seules informations qu'on a parce que les deux familles ont décidé de vraiment garder les informations pour eux jusqu'à temps qu'il y en ait plus à dire. La série va vraiment donner les détails que la famille va vouloir donner. C'est un petit peu inquiétant. Je vous dirais que c'est un petit peu inquiétant. J'ai décidé d'en faire un bloc différent des autres parce que ça arrive de plus en plus. Je veux pas dire que c'est pas un sport qui est pas dangereux parce que bien évidemment, quand que tu décides de faire de la course automobile, tout le monde le sait, c'est un sport qui est dangereux, qui peut être dangereux. Mais depuis quelques années, vraiment, on entend des pilotes comme exemple Justin Wilson, Jules Bianchi, il y a eu Ayrton Climot en karting. Ce sont vraiment des blessures à la tête qui sont quand même très, très graves. Donc, de ce côté-là, qu'est-ce qui va être la suite de tout ça? Je pense qu'il n'y a pas vraiment grand-chose à faire. De mon côté personnel, je crois pas que le côté sécuritaire peut encore être plus augmenté parce que vraiment, je pense qu'à un certain point, ça serait plus de laisser le sport tel qu'il est, mais ça serait vraiment juste d'essayer de protéger tous ceux qui y participent. Peut-être que ça serait un petit peu trop à ce moment-là. Je sais pas, est-ce qu'il y a des choses qui sont sécuritaires à faire? Est-ce qu'on pourrait augmenter la sécurité de certaines voitures? Est-ce que ce sont vraiment les voitures qui sont pas assez sécuritaires? Est-ce que ce sont les circuits? Parce qu'on sait, bien souvent, les circuits vont avoir été dessinés il y a plusieurs années. Donc, est-ce que de ce côté-là, ça devrait d'être de revoir le tracé d'un circuit pour que ça soit beaucoup plus sécuritaire à une certaine vitesse? Bon, je vous dirais que je ne suis pas experte en la matière, mais je crois qu'un mélange de tout ça ferait en sorte que peut-être on pourrait arriver à quelque chose de sensiblement important pour les pilotes et aussi pour les séries, parce que, veux pas, c'est quelque chose qui va vraiment venir toucher tous les gens qui font partie de la série, c'est des pilotes avec qui ils partagent plusieurs de leur temps. Donc, de ce côté-là, ça fait des années qu'on dit que le monde de la course automobile est un monde de famille. On se crée une famille dans ce sport-là. Donc, c'est vraiment quand quelqu'un est touché comme ça et qu'on fait partie du monde de la course automobile, c'est vraiment comme si c'était un des nôtres qui était touché. Et c'est vraiment triste à entendre. C'est triste à recevoir comme nouvelle, je dirais. J'ai comme l'impression qu'il y a plusieurs personnes qui sont très, très touchées. Andrew Palmer, c'est un pilote qui, pas très longtemps, coursait en karting avec nous. C'est un pilote qui voyageait pour le karting. On l'a vu, entre autres, il a déjà fait le Monaco ici à Trois-Rivières. Il a déjà coursé aussi dans le championnat ici qui est ici. Donc, d'entendre une nouvelle comme celle-là, c'est vraiment très inquiétant. On a hâte de savoir qu'est-ce qui va se passer avec eux. On a hâte de voir comment est-ce qu'ils vont. J'espère qu'ils vont avoir de bonnes nouvelles pour nous. Parce que bien souvent, lorsque les familles ne veulent pas trop donner de nouvelles au moment où que les nouvelles sortent, bien, c'est rare que ça augure bien. C'est rare que ça annonce quelque chose de bien. Mais j'ai bien, bien... j'ai hâte. J'ai hâte de savoir qu'est-ce qui se passe avec ces deux pilotes-là parce que ce sont des pilotes, comme je le disais, qui sont quand même très jeunes, dans la vingtaine. C'est vraiment l'espoir du sport. C'est nos pilotes qui vont devenir de grands pilotes un jour. Donc, je sais vraiment pas si on peut rendre les choses encore plus sécuritaires que ce qu'elles sont. C'est un sport assez difficile. C'est comme dire qu'on pourrait totalement arrêter toutes les commotions cérébrales dans le monde du football. À un certain point, on peut malheureusement pas. C'est un petit peu la même chose en course automobile. Donc, j'ai vraiment hâte de voir où est-ce que les autorités vont prendre ça parce que présentement, l'accident est sous enquête aux États-Unis. Parce que, tout simplement, que de la façon que ça fonctionne, c'est que à cet endroit-là, à Lime Rock, si jamais il y a quelque chose qui arrive et que les pilotes sont transportés à l'hôpital, automatiquement, on lance une enquête à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, le circuit a vraiment été arrêté par la suite pour que les policiers et que les enquêteurs puissent faire leur travail. Et j'ai hâte de voir les résultats de cette fameuse enquête. C'est inquiétant, mais prions et soyons avec eux parce que ce sont deux pilotes très très talentueux et ça a quand même pris beaucoup de temps avant de les sortir des voitures. Alors j'ai hâte d'entendre de bonnes nouvelles pour ces deux pilotes qui sont Andrew Palmer et Jorge de la Torre. Au retour, on va s'entretenir avec un homme qui est très très connu du domaine de la course automobile, Rémi Lanteigne. Alors restez avec nous, tout ça après la pause. Vous êtes assez fou. 89.1. Pour plus d'informations sur la programmation, visitez cfou.ca. 89.1. Day or night, we're right here waiting. Just drive out until the pavement ends. Sign says population 2817. One stop light in a Dairy Queen. Sawmills, farms, refineries. Yeah, that looks like home to me. If you still believe in faith and family, you'll find them in this little town. Come on. Come on down. If something happens to your neighbor, or the church has a fundraiser, it's the front page of the paper. It's just a seven-pager. Every house has a good bookin'. Kitchens all smell like home cooking. If a tractor's what you're looking for, you'll find one here for sure. Everyone's a fan of, yes, so thank you, ma'am. Way out here in this little. À l'antenne de C'est fou 89.1 FM. Vous écoutez encore En piste avec Tania Baudin. J'espère que vous appréciez l'émission jusqu'à présent. On a jasé pas mal de tout ce qui s'est passé durant la dernière fin de semaine, côté sécuritaire puis tout ça. Mais je vous disais aussi, avant la pause musicale, en passant, on a entendu Come On Down de High Valley, qui est aussi un groupe canadien. Très bon groupe. Si jamais vous voulez, je vais tout poster ça sur la page Facebook d'En piste avec Tania Baudin après l'émission. Donc, si jamais vous, vous êtes curieux de savoir qui a joué durant l'émission, eh bien, ça va être tout disponible sur les fameux médias sociaux. Je vous disais justement avant la pause qu'on allait recevoir quelqu'un qui est quand même bien connu du monde de la course automobile. Je parle de Rémi Lanteigne qui est au téléphone avec nous. Rémi, ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. Rémi, dis-moi donc, tu es d'ici, de Trois-Rivières. Tu es dans le monde de la course automobile depuis des années, mais pour les gens qui savent un petit peu moins qui tu es, dis-nous, que fais-tu? OK, bon, c'est ça. Je suis dans la course automobile, si on veut, ça a commencé en 93. Mm-hmm. Et puis j'ai erré finalement dans ce monde-là depuis ce temps-là jusqu'à présent. J'ai fait des passages dans la course automobile, si on veut, au Canada et puis au Québec, au courant de ces années-là, on peut en venir un peu plus tard, mais c'est vraiment en 93 que j'ai commencé. J'ai commencé, si on veut, dans le deep end, on peut dire, immédiatement en Formule Atlantique, dans les années de Play Earth avec Jacques Villeneuve, Claude Bourbonnais, s'il y a des gens qui se rappellent de ça. Mm-hmm. Ça, c'était mes premières années où ce que la voiture, les formules étaient quand même assez populaires, avec beaucoup de nombre de voitures inscrites, avec beaucoup de séries. Donc j'ai commencé là et puis j'ai resté en Formule Atlantique. Ensuite, jusqu'en 99, où est-ce que j'ai passé à la IndyCar. Puis, c'est ça, à la IndyCar, j'ai travaillé avec des pilotes comme Elio Castroneves. Mais c'était aussi le temps qu'on avait des pilotes québécois dans la Flair Pierce qui étaient là. Donc, on a tous comme monté ensemble. Bertrand Godin, Alex, Agnani, on a tous monté ensemble. Mais moi, j'étais, si on veut, pas derrière le volant. Oui, c'est donc, ça, exactement, parce que tu as déjà piloté, mais là, pour les gens qui sont moins familiers avec le monde de la course automobile, tu es ingénieur en course automobile, c'est bien ça? C'est ça. J'ai eu la fonction d'ingénieur de course, qu'on appelle. C'est la personne qui s'occupe des réglages dans l'équipe, si on veut, des ajustements voiture. Côté performance, on travaille très étroitement avec le pilote. Donc, le pilote communique avec l'ingénieur durant les essais et ensuite, entre les essais de pratique et de qualification, on reprend toute l'information. Et puis, ensuite, on donne, si on veut, des changements à faire à notre chef mécanicien qui, lui, distribue encore des tâches là avec tout le reste des équipes de mécanos. C'est vraiment ça. Et ensuite, c'est des analyses post-course pour essayer d'améliorer, de comprendre les erreurs qu'on a faites et puis peut-être améliorer la performance pour la prochaine course. Donc, tu travailles vraiment de très, très près avec les pilotes et vraiment tout le monde qui forme l'équipe. On parlait que tu as fait plusieurs séries, tu as travaillé avec plusieurs pilotes. Selon toi, jusqu'à présent, là, dans quelle série est-ce que c'était le plus demandant de travailler en ingénierie? Le plus demandant, c'était définitivement là, une dizaine d'années. La course automobile a bien changé depuis. Oui, vraiment. Maintenant, on voit que, bon, côté budget, les séries essayent d'avoir des types monotypes. Donc, c'est des voitures toutes semblables ou du même manufacturier. Mais quand on revient dans le temps de la Formule Atlantique, il y avait plusieurs constructeurs en IndyCar où c'était le temps de kart. On était dans le temps. Nous aussi, il y avait des différents motoristes. Il y avait différents châssis, il y avait différentes combinaisons. Et puis, à l'achat de l'auto, les équipes avaient quand même beaucoup de liberté pour pouvoir développer. Maintenant, pour les coûts, les voitures sont pratiquement similaires. Donc, c'est ailleurs qu'on travaille. C'est vraiment attention aux détails, des petits trucs qu'on va travailler sur les voitures, étant donné qu'ils sont toutes similaires avec les mêmes pièces. Ça peut être l'ajustement de la carrosserie qui est beaucoup plus... On est beaucoup plus attentif pour avoir moins de traînée ou avoir plus de vitesse de pointe, la friction au niveau des roulements ou des roues, système de frein, même chose, des différentes type de matériaux de friction. C'est plus des détails. Avant, on pouvait faire des gros changements aérodynamiques, arriver avec des différents profils d'aileron. Il y avait beaucoup de... Mais les équipes qui avaient beaucoup plus de budget avaient beaucoup plus de développement aussi. Donc, c'est ça qui faisait que c'était difficile de compétitionner si on était dans une équipe avec un peu moins de budget. Maintenant, les budgets sont un peu plus restreints. Et puis, les séries mettent, si on veut, un peu plus de lois, si on veut, ou de règlements pour pouvoir garder ça, si on veut, ou si on parle des courses où les voitures sont beaucoup plus similaires en performance. Là, c'est vraiment le pilote qui va faire la différence, si on veut. Dans le temps, la voiture pourrait faire une plus grosse différence. Ben justement, tu parles de différents budgets de voitures qui étaient différentes et du budget qui était utilisé différemment. Dis-moi, est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui à cause qu'on doit chercher des commanditaires plus que dans le temps? Ouais, mais c'est ça. Là. Il y a l'économie, puis il y a le coût de la course aussi qui a changé. Donc, on dit on a travaillé fort à diminuer les coûts de la course, mais au côté économique, c'est très difficile en course d'aller chercher des budgets. On voit des jeunes pilotes là, au Québec, au Canada, même aux États-Unis même, doivent travailler extrêmement fort pour être capable d'aller chercher des commanditaires. Je pense qu'aussi, ce qui a changé, c'est que dans le temps, ils sont venus une dizaine d'années, 15 ans, il y avait beaucoup moins de sport. La télévision, c'était différent. L'Internet n'était pas vraiment là. Donc, les événements de course, c'était, si on veut, un événement que les gens suivaient beaucoup plus. Et on regarde même comme à Trois-Rivières, c'est exceptionnel que le renouvellement là, se fait à tous les années, mais c'est avec beaucoup de travail, puis beaucoup de gens pensent et essaient d'attirer des nouvelles séries qui vont justement garder les spectateurs avec si on veut beaucoup de d'entertainment, si on veut. Ouais, ouais. Mais au niveau des sponsors, il y a beaucoup de choses maintenant que les compagnies peuvent faire de la commandite et puis dans d'autres sports et d'autres choses qui ont évolué, d'autres sports qui sont apparus. Donc c'est ça, c'est plus difficile. C'est plus difficile, c'est sûr. Donc les jeunes pilotes avant avaient un peu plus de facilité. Il y avait des prières, si on veut. La filière player, ça a vraiment aidé beaucoup les pilotes canadiens dans le temps, mais avec toutes des lois au niveau des cigarettes et tout ça, ça a vraiment rendu les choses un petit peu plus difficiles. Donc il faut vraiment utiliser notre imagination et puis regarder le marché, comment est-ce qu'il évolue. Aujourd'hui avec les outils qu'on a, l'Internet et un paquet d'autres choses. On parlait de prototypes tout à l'heure, on parlait aussi de grosses séries. Dis-moi, présentement, tu travailles avec une équipe qui est M1GT dans une catégorie de World Challenge. Oui, c'est ça. Donc, pratiquement pour pendant 20 ans, j'ai été dans les formules, oui. L'Indy, et puis il semble qu'il y a un changement, c'est sûr, avec les... On voit de plus en plus des GT qui font l'apparition, et puis des séries GT aussi bien structurées dès le début, si on veut, des carrières de pilote. Si on regarde comme la coupe Micra, c'est une coupe GT qui est monotype. C'est des séries qui forment les pilotes maintenant un peu plus vers le GT. On voit ça un peu plus parce que les manufacturiers sont vraiment derrière ces séries-là. Les formules, si on veut, c'est plutôt derrière des pilotes et des commanditaires. Mais maintenant, avec le GT, on voit que les manufacturiers semblent engager beaucoup plus avec ces séries-là. Donc, moi, la série que je suis dans, le Pirelli World Challenge, c'est comme la série la plus élevée au niveau du GT. Ensuite de ça, on tombe dans les prototypes, là, comme le 24 heures du Mans. Mais notre voiture, dont notre équipe a, nous, on représente Audi Amérique du Nord, donc on roule des Audi R8. Mais ce sont des voitures qui ressemblent à la voiture de rue, mais disons que ils sont grandement modifiés de l'usine. Donc, on achète ces voitures-là déjà fabriquées, pratiquement livrées, prêts à courir immédiatement. Et dis-moi, je te donne le temps. Là. Présente-nous ton équipe. Qui sont tes pilotes et vends-les-moi. Ah ben, on c'est intéressant. Justement, le GT, c'est des pilotes souvent qui ont erré dans la monoplace pendant plusieurs années, donc on développé beaucoup de talent et d'expérience derrière le volant de monoplace qui est une des séries très compétitives. Et puis graduellement, on a eu des opportunités en GT. Donc cette année, nous avons deux voitures, nous avons une Audi 2016, une très très belle voiture. On la voit pas encore sur le chemin, ça vient de sortir. Est un peu plus carré que si les gens connaissent déjà la R8. La R8, si on veut, du dernier modèle, est un peu plus ronde. Ouais, beaucoup plus ronde. Donc, on a une de chaque. Et puis, la série, nous, on roule dans les week-ends. C'est deux courses pendant le week-end. Et puis, c'est une course d'une heure avec deux pilotes dans chaque auto, donc un changement de pilote. Ça, c'est quelque chose qui est différent. Là. C'est pour les pilotes et aussi pour l'équipe, j'imagine. Oui, je pense que ça fait deux choses. Il y a des pilotes, si on veut, qui ont moins d'expérience, mais qui ont, si on veut, un budget pour s'acheter une voiture ou aller aux courses. Et puis, ce qu'ils font souvent, une de nos voitures, on a un pilote, Walt Boland, qui est un chirurgien, et puis passionné de la course. Lui, ce qu'il fait, c'est que utilise un jeune pilote comme un, si on veut, un entraîneur. Mm-hmm. Donc, dans les essais privés, va travailler beaucoup avec. Et quand ça vient le temps de la course, ils partagent la voiture, si on veut, de ce côté-là. Donc, le temps perdu dans la première demi-heure du pilote qui est un peu moins rapide, bon, il y a un peu plus de travail pour le pilote rapide qu'on va, si on veut, agencer avec. Et puis, ça, c'est un format. L'autre format, l'autre voiture, on a deux pilotes extrêmement rapides. David Estella, qui est un Canadien, qui a commencé sa carrière en karting, et puis a couru au Québec, aux États-Unis, et puis ensuite a monté à travers la Star Mazda, qui a couru sa Trois-Rivières, et puis en Indy Light. Là, je fais un peu le rapprochement. Oui. Là, c'est des pilotes, si on veut, qui sont rendus vers fin vingtaine, oui. Intéressés dans le GT. David était mon pilote en Indy Light dans le temps, donc on dirait que maintenant que je suis en GT, je revois tous les pilotes qui ont mûri, et qui sont prêts maintenant à faire la transition, donc c'est vraiment intéressant de pouvoir retravailler avec eux. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas besoin de, si on veut, de passer à travers, comme apprendre à se connaître, des choses comme ça, des méthodes de travail. Donc, ce qui a fait que pour notre première course, qui était à Mosport il y a deux semaines, pratiquement sans essai, David Estella et son copie Dion, je vais en parler un peu plus ont réussi à faire deux podiums. Oui. Donc ça c'était très, très, très bien là, pour l'équipe, étant donné qu'on est une nouvelle équipe. Le coup de pied de David Estella, c'est Dion Van Monkey. C'est un Américain. Lui conduit déjà pour la firme Audi. Donc on voit comment c'est intéressant. Les manufacturiers commencent à pousser des pilotes qui sont déjà formés à leur marque. Parce qu'il faut pas oublier que la GT, c'est moins les pilotes, c'est beaucoup plus les marques. C'est une guerre entre les marques. On va courir contre des Mercedes, SLS. On va courir contre des McLaren. On va courir contre les Ferrari 458, 488, des Bentley, Aston Martin, c'est beaucoup de marques qui sont dans le milieu pour favoriser des ventes. Donc, le travail du pilote aussi, c'est gagner des courses pour l'équipe, mais les manufacturiers sont très, très, très présents. Les ingénieurs, les manufacturiers sont aussi, avec nous, c'est ça, puis fournis par le manufacturier. Donc, ça engage une différente perspective là au niveau de la course, c'est plus des stratégies. Et puis c'est vraiment pour être sûr qu'on a une voiture qui est fiable. Il faut démontrer de la fiabilité. Donc ça fait des courses quand même très intéressantes. Avec les changements de pilotes dans les puits, on voit des fois des changements de rapidité. Donc le tempo peut ralentir. Si un pilote est dans l'auto, quand il remplace, ou ça peut accélérer. Donc c'est jusqu'à la fin, on sait vraiment pas comment tout va se passer. C'est dans les dernières 5 minutes qu'on voit exactement où est-ce que tout le monde va être là, en position finale. Puis Rémi, tu disais justement que David Estella, c'est un pilote que tu as connu beaucoup plus jeune. Connu aussi d'autres pilotes, parce qu'il faut quand même mettre de l'avant l'implication que tu as eue avec des pilotes de karting. Dis-moi, pourquoi c'est si important pour toi, cette implication-là? Ah, je pense que le sport automobile, dans les derniers 15 ans, pratiquement maintenant, c'est par le karting que les pilotes passent. Puis dès un jeune âge, quand les pilotes commencent à se démarquer, habituellement, c'est un genre de c'est quelque chose qui se répète. Lorsqu'ils montent, on peut déjà voir là, des jeunes pilotes comme Michael Gagné, qui était des champions de karting. J'ai eu comme pilote en monoplace il y a quelques années. Maintenant, il est en Europe, en Porsche. Ça va très bien. Olivier Bédard aussi, même chose, très compétitif. Kevin King, un gars de Trois-Rivières, c'est tous des jeunes qui ont tout pris leur formation au niveau du karting. Donc, déjà là, jeune âge, on voit le talent naturel qui émerge, puis on est capable de prendre des notes. Et puis nous comme équipe, ce qu'on fait, c'est qu'on les supporte. Moi, je téléphone souvent ces jeunes pilotes-là. Même si ils sont à la recherche de commanditaires où ils ne sont pas encore à un point, si on veut, de maturité encore ou financière d'embarquer, mais on les aide, on leur parle, on leur donne des trucs parce que après quelques années, tout d'un coup, ils sont dans une position de pouvoir être dans notre voiture. Oui, justement. Puis, Rémi, dis-moi rapidement, ça fait des années que tu es dans le domaine, ça fait des années que tu vois l'évolution du sport automobile comme il est. Dis-moi, c'est quoi tes espérances pour le sport? Ah, ben écoute, le sport reste toujours un peu le même au niveau, je pense que c'est un des sports... les plus excitants, c'est sûr que... Ouais. On est un peu vendus. mais quand même, de l'extérieur, je pense que tout le monde peut quand même regarder une course automobile avec plus ou moins de connaissances, comprendre quand même, reconnaître des marques, reconnaître l'effort, toute l'organisation. Donc, c'est des événements très spectaculaires. Mais c'est sûr que c'est un sport qui est le plus dispendieux au monde aussi. Donc... Ouais. C'est pour garder la roue qui tourne, il faut vraiment que les gens continuent à encourager nos pilotes, des pilotes qu'on voit, qu'il y a des commanditaires locaux ou qui sont où on est capable d'acheter des produits en ligne. Continuer à encourager ça pour que les commanditaires vraiment comprennent qu'il y a de l'engagement avec le public et puis les gens qui suivent la course automobile. C'est la seule manière vraiment de faire continuer ça. Puis nous, de notre côté, on essaie le plus possible de garder les coûts raisonnables pour que c'est ça, qu'on puisse avoir le plus de voitures sur la grille. Et dis-moi, en terminant, ta fin de saison, parce que vous, il vous reste pas énormément de courses, mais dis-moi, qu'est-ce qui arrive pour toi? Qu'est-ce qui s'en vient et où est-ce qu'on peut vous suivre? Bon, ben la série Pirelli World Challenge a eu la seule course au Canada il y a deux semaines, donc ouais. Le reste des courses, ça va être aux États-Unis. Mais les courses qui restent, c'est des courses qui suivent souvent les mêmes week-ends que la IndyCar. Donc, il va y avoir Wisconsin fin juin. Et Wisconsin à Road America. Il va y avoir Mid-Ohio en fin juillet, qui est en Ohio. Et puis, ensuite de ça, ça s'en va vers la Californie quand ça commence à faire un peu plus froid. Là. Ouais, c'est ça. On commence en Floride et on finit en Californie. Ensuite de ça, ça va en Californie, à Sonoma. Et ensuite de ça, ça va aller à Laguna Seca. Là, les gens connaissent bien cette piste-là. C'est une des plus connues dans les jeux vidéo et tout ça. Ouais, donc, c'est là que ça va se terminer. Et dis-moi, vous avez mis de l'avant votre équipe, une plateforme où on peut vous suivre là, pendant les week-ends. Vous avez comme une chaîne YouTube sur Facebook. On vous voit beaucoup. Comment ça fonctionne pour vous suivre là? Oui, c'est ça. C'est assez simple. C'est M1GT Racing sur Facebook. Puis ça l'amène directement, si on veut, à notre page. Et puis notre site web, c'est le M1GTRacing.com. Puis de là, l'information est facile, si on veut naviguer entre nos posts Twitter et toute notre social media est accessible là, puis notre YouTube. Et puis dans les prochaines semaines, on va annoncer encore un autre projet de l'équipe où on a, si on veut, partie une chaîne, si on veut, privée, où on va pouvoir avoir les courses live à bord de nos pilotes qui vont être, si on veut, sur facile à voir sur notre Facebook et puis aussi sur notre site web. Ça va être M1GT TV. OK, good. Bien, mon Dieu, c'est merveilleux. Ça fait beaucoup d'informations, mais je vais tout poster ça sur la page Facebook d'En Piste avec Tania Baudin, comme je le disais tout à l'heure. Rémi, merci beaucoup pour ton temps. Je sais que tu es sur la route présentement, donc d'avoir pris quelques temps pour discuter avec nous, c'est très, très gentil. Merci beaucoup. Ah, ça me fait plaisir. Continue l'émission, c'est bon. Merci. OK, merci. Bye-bye. Bye-bye. Alors, comme le disait Rémi Lanteigne, si jamais vous voulez suivre la course ou si jamais vous voulez suivre l'information de l'équipe M1GT qui contient, oui, disons-le comme ça, un pilote canadien, eh bien, c'est M1GT Racing sur Facebook. Et il vient lui-même de l'annoncer dans quelques temps, ça va être M1GT TV. Donc, restez à l'affût sur les médias sociaux si jamais ça vous intéresse. Et surtout, si vous voulez suivre un petit peu partout l'équipe qui a plusieurs Québécois à l'intérieur. Disons-le, oui, il y a un pilote canadien, mais il y a plusieurs mécanos qui sont d'ici, du Québec, entre autres Rémi, mais il y a plusieurs autres gars. Il y a Sébastien Monplaisir aussi qui travaille dans l'équipe, Benoît Vaillancourt qui est là. Faites un tour sur les médias sociaux, vous allez voir, c'est une équipe très, très dynamique et c'est ça qui est plaisant parce que c'est là qu'on se rend compte que parfois, les gens qu'on connaît depuis qu'on est tout petit dans le monde de la course automobile sont rendus ailleurs, mais ce sont des équipes quasi à part entière, entièrement québécoise. Donc ça, c'est vraiment le fun. Restez avec nous parce que dans quelques instants, je vais vous annoncer qu'est-ce qui se passe cette fin de semaine. Donc, vendredi, samedi, dimanche, qu'est-ce qui va arriver dans le monde de la course automobile? Ça, c'est tout de suite après la pause musicale qui va être quand même courte. Allons-y avec une courte pièce qui va être de Dallas Smith et elle s'appelle « Wasting Gas ». In the state 20, got the tank topped off, dust flying like confetti in the rear view. Got a clear view of these getaway tracks. Got the seat kicked back, radio bumping that glass. You looking at me, looking at you, surfing that hand with the power lines. Yeah, no time, we're nowhere fast. We're just wasting gas. Gas de Dallas Smith. C'était l'avant-dernière pièce qu'on va entendre dans l'émission. Parce que oui, ça tire déjà à sa fin. C'est triste, mais c'est comme ça. C'est une heure à chaque semaine dans Piste avec Tania Baudin sur les ondes de Cifou 89.1 FM. Tout juste avant qu'on écoute la pièce, je vous disais que j'allais vous annoncer qu'est-ce qui va se passer en fin de semaine. Qu'est-ce qui s'en vient, là? Qu'est-ce qu'on peut regarder soit à la télévision ou encore sortir de chez nous, faire peut-être... pour certains, une heure de voiture ou pour d'autres, seulement 15, qui sait. D'où vous nous écoutez, ben, bonjour. Alors, si jamais ça vous intéresse, du côté de Montmagny, en fin de semaine, le 4 juin, il y a le Formula Drift Canada. C'est la première épreuve de la saison. C'est vraiment super intéressant à regarder. C'est sûr que si vous êtes amateur de boucanes et d'odeurs de pneus, brûlé, ben allez du côté de Montmagny parce que c'est clair que vous allez en avoir pour votre argent. Du côté d'Icar, je le disais tout à l'heure, c'est la deuxième ronde du championnat ECKC, Eastern Canadian Karting Championship. Il est su de 175 pilotes et cette fin de semaine, si tout va bien, on devrait en avoir encore plus que ça. Donc, si vous êtes dans le coin de Mirabel ou encore si vous êtes du style à vous faire une petite randonnée pour une journée ou encore deux en voiture, bien allez du côté de Mirabel. C'est vraiment tout le temps impressionnant de voir autant de pilotes et aussi de voir de belles courses comme ça. C'est souvent des catégories qui vont être au-dessus d'une quinzaine de pilotes, tout dépendant de la catégorie. Donc, allez faire un tour si ça vous intéresse. Aussi, qui sait, si vous êtes à Icar, pour justement le ici qui ici, mais que vous dites que vous aimeriez peut-être voir des grosses voitures, eh bien sachez que sur la grosse piste du complexe d'Icar, il va y avoir le Super Production Challenge qui va être là en fin de semaine. Donc si je ne m'abuse, c'est samedi et dimanche pour eux aussi. C'est des voitures de rue modifiées, donc si jamais ça vous intéresse, c'est vraiment super à voir et il y a plusieurs pilotes là-dedans qu'on a déjà vu courser dans d'autres séries. Vous allez pouvoir le voir vous-même. Vous allez surtout pouvoir vous promener dans les paddocks, voir les voitures, voir les pilotes, jaser avec eux, savoir un peu comment ça se passe. Bien souvent, on aime ça quand on va aux courses, de discuter justement de comment est-ce que la voiture se porte et comment est-ce que le pilote se porte durant la journée. Donc, je vous le dis là, allez faire un tour ou encore suivez les médias sociaux si jamais ça vous intéresse. Il y a aussi le à Pocono Raceway, oui, c'est le Axalta Repaint Winters Winners 400. C'est du NASCAR, donc la Sprint Cup qui, en fin de semaine, va être du côté de Pocono Raceway. Ça, vous pouvez écouter sur Fox, si je ne m'abuse, sur TSN et probablement, si je dis bien les choses, sur les ondes de RDS aussi, si vous voulez l'écouter en français. C'est toujours bien belle fun. Rappelez-vous, il n'y a pas de Formule 1 en fin de semaine. Eh bien non, ils sont dans les cargos, ils sont dans les avions, mesdames et messieurs, ils sont en train de s'en venir pour le Grand Prix du Canada qui va avoir lieu la semaine prochaine. Eh bien oui, hein, peut-être que vous avez une bonne idée que la semaine prochaine, ça va être une émission Grand Prix du Canada. Et il n'y a pas non plus de rallycross en fin de semaine, ça va simplement aller à la semaine prochaine et ils seront du côté de la Norvège. Alors, c'est déjà tout, mais... Ne quittez pas les ondes de C'est fou 89.1 FM parce que le Mathieu Plante Show s'en vient dans quelques instants et j'ai cru comprendre que le chroniqueur Samuel Gérard allait être là aujourd'hui. Donc, restez à l'antenne de C'est fou 89.1 FM et nous, on va se quitter en musique avec Jealous of the Sun et TB. That I'm not the only one holding you close. I'm jealous of the moon for tucking you in, laying there with you right in front of me, like it doesn't seem that you're mine, all mine. I don't want anybody lighting you up the way jealous of the sun. I'm jealous of the rain, the falling around, feeling you down, calling out your name, and getting you out of your clothes. I'm jealous of the nights, for playing it cool, setting the mood right in front of me, like it doesn't seem, and that you're mine, all mine.